Bon ben, Goulven, j'ai 37 ans, je suis infirmier à Guillaume Régnier depuis à peu près 14 ans, donc je suis beaucoup moins jeune que vous. Je suis au syndicat Sud Santé depuis le 7 novembre, donc le mardi 7 novembre, on avait démarré une grève à l'initiative de Sud avec la mise en place d'un barnum qu'on avait décidé de mettre jour et nuit en se disant bon, on va voir, on attend 48 heures et on voit ce qui se passe. Les revendications pour faire court, c'est la nécessité d'avoir un service de 20 lits en plus de ce qui existe déjà, avec des moyens humains autour, et également l'augmentation des effectifs de 15 postes. Bon, à côté de ça, une amélioration des conditions de travail, même si on a une direction qui est plus ça va mal, plus met des jolis mots autour de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a porté sur deux jours, en passant jour et nuit, en tenant le barnum jour et nuit, en fait, à au moins deux personnes, et qui s'est fait alimenter par des salariés non syndiqués au fur et à mesure, des salariés syndiqués CGT ensuite, dans un deuxième temps. On a trois syndicats, Guillaume Régnier, c'est CGT, Sud, CFDT. On pensait que les autres syndicats allaient enquiller plus rapidement avec nous, mais... La CGT appelle déjà à partir de demain à une première journée à soutenir le mouvement de grève qui s'est remis en place pour la troisième semaine consécutive aujourd'hui. Je vous explique le fonctionnement. Hein, on n'est pas fou non plus. Le vendredi, on plie notre barnum, on range tout et on remonte le lundi à 7 h du matin. Ça nous permet de voir les collègues de tous les qui commencent à tous les différents horaires qui travaillent sur le site. De tracter, on a dû sortir 8 tracts en 2 semaines. Avec les différents exemples que peuvent nous donner les salariés qui participent soit en s'inscrivant au piquet de grève, on a mis des tableaux en place en fait, soit qui passent à porter leur témoignage, qui abondent dans le sens de nos revendications en fait, qui ne sont plus nos revendications mais bien celles des salariés. C'est pour ça quand la presse est intervenue la semaine dernière, France 3, Ouest France, Ouest France, ils se basent uniquement sur les communiqués de presse parce qu'ils n'ont pas trouvé le chemin pour venir chez nous. Mais France 3, quand ils sont venus, ils ont bien compris ça, que c'était devenu le mouvement des salariés, avec des revendications qui sont portées par les salariés et pour les salariés et les patients. Et c'est quelque chose qui n'est pas inédit à Guillaume Régnier. Vous me stoppez, hein, parce que si vous avez des questions, parce que moi, une fois que je suis lancé, je suis un peu logorique. Puis j'ai que 15 minutes. En 2012, en intersyndicale à l'époque, suite à une photo que nous on avait diffusée d'un matelas par terre posé entre deux lits, par manque de lits sur l'hôpital, il y avait eu une grève qui avait duré même pas une semaine en fait. Dès que les caméras avaient pointé leur nez, ceux qui nous financent, l'agence régionale de santé, qui sont sous le ministère en fait, avaient lâché tout de suite l'ouverture d'un service supplémentaire, plus des places en hôpitaux de jour avec du personnel en plus pour à peu près une durée d'un an et demi, donc le mouvement s'était arrêté là. Là, c'est différent, ça fait déjà 2 semaines, c'est la troisième semaine qu'on y est, l'Agence régionale de santé ne nous reçoit que demain. Mais on a des choses intéressantes qui se passent, outre les témoignages que les gens nous apportent, outre ce que vous pourrez trouver notre acte sur Facebook, hein, sur Sud CHGR, j'en ai pas apporté beaucoup parce que j'étais à la bourre. Voilà, y a encore des patients hier qui étaient réorientés sur d'autres hôpitaux parce qu'il n'y a plus de place à Guillaume Régnier. Il y a d'autres patients qu'on fait sortir prématurément avec pas forcément une prise en charge derrière parce que les collègues de l'extra-hospitalier, ceux qui travaillent dans des CMP, des structures qui gèrent les gens pour les garder dans la cité, qui puissent continuer d'avoir une vie citoyenne normale avec un suivi médical ou infirmier. Bah, on n'a pas forcément de place sur l'extra-hospitalier, donc on demande aux gens de sortir de l'hôpital et on les abandonne en croisant les doigts pour qu'ils ne se foutent pas en l'air ou qu'ils n'aillent pas plus mal. Tout ça, ça génère beaucoup de violence. Les patients, ce week-end, il y a encore un patient qui a attendu 8 heures sur une chaise avant de se voir dire que ben non, il allait pas avoir un lit sur Guillaume Régnier, donc ils lui ont trouvé un lit à Angers. Donc 8 heures d'accueil chaise plus un trajet vers Angers, c'est pas terrible. Quand on a besoin de soins, qu'on est compliant pour les soins en plus, ça génère de la violence parce que quand on trouve enfin des chambres à nos patients et qu'on leur dit bah, c'est un lit de permissionnaire, il faut rechanger le lit demain, ça finit par énerver les patients. Et comme mes collègues et moi-même, parce que j'ai encore un pied dans les unités, quand on est en effectif minimum, on se prend des coups. On se prend des coups, on ramène du travail chez soi parce qu'on se dit comment on aurait pu faire pour faire les choses mieux. Et comme la direction a été manage un petit peu comme ça a été le cas à Orange il y a quelques années, puis à La Poste, il faut en sorte qu'on ramène du travail chez nous, dans notre tête, qu'on essaie de trouver des solutions nous-mêmes, alors qu'on culpabilise des situations qui se passent avec lesquelles on n'arrive plus à se débrouiller, alors que c'est eux qui organisent ça sur tout l'hôpital. Je sais pas, après sur les interventions, ouais, l'autogestion en fait c'est quelque chose dont je rêve depuis 13 ou 14 ans et on voit des gens venir remplir le tableau de présence pour continuer de tenir le piquet de grève, des gens qui sont pas syndiqués qui avant venaient pas ni à nos heures d'info ni à celles de la CGT ou de la CFDT ou qui venaient pas forcément dans la rue ou qui trouvait qu'en 2016, on avait peut-être autre chose à foutre que d'aller dans la rue, parce que vous savez, moi, mon mari, il est artisan, et lui, il sait ce que c'est de travailler dur. Et donc, on arrive à toucher pas mal de collègues qui se sont mis à organiser sur Messenger des groupes de discussion pour organiser des heures de grève simultanées. Ça avait commencé il y a 10 jours, il y a eu des services entiers. Bon, pour faire un état des lieux, on est 2400 salariés, 400 contractuels. Et les premiers jours de grève, on avait une participation de 50-60 personnes qui se mettaient en grève. Jeudi dernier, c'est monté à 150 personnes avec une assemblée générale à 70 personnes. En fait, il y a plusieurs services qui s'étaient mis en grève en même temps. Et ils ont fait du lien là, depuis ce week-end sur Messenger et ils ont créé un groupe qui a fini par réunir 250 personnes, mais on ne peut pas aller à plus sur Messenger, pour faire en sorte que tout le monde pose une heure en même temps demain. Je pense que demain, on va avoir une assemblée générale la plus grosse depuis le début du mouvement, en fait. Il y a des médecins qui avaient commencé timidement à nous rejoindre la semaine dernière qui viennent franchement demain et en nombre. Certains cadres qui nous soutenaient la semaine dernière vont venir en plus grand nombre demain aussi. Et des gens qui n'avaient jamais posé une heure de grève vont venir demain alors que pour eux, c'était supportable jusque-là. Mais maintenant, c'est quelque chose qui a permis aussi d'avoir des discussions. Quand vous êtes venu nous voir l'autre jour, c'est la journée où on a eu le plus de passages, ça devait être jeudi, je pense. Où il y a beaucoup de gens qui viennent nous expliquer que c'est plus tolérable ce qui se passe au travail parce qu'il y a cet échange de discussions à l'accueil de l'hôpital. Parce que les conditions de travail ne se sont pas améliorées, même si la direction a réussi à diviser les syndicats en lâchant des miettes aux deux autres syndicats de mon hôpital. Des miettes qui sont insuffisantes et pas pérennes. Mais il y a encore une collègue aujourd'hui qui nous a dit « Bon, le travail n'a pas changé dans l'unité, mais moi et certains de mes collègues, on est mieux parce qu'on a ce lieu de passage, parce qu'on a ce collectif qui s'est recréé à Guillaume Régnier, qui n'existe plus, qui a été cassé depuis une dizaine d'années, en fait. Il n'y a plus forcément de réunion pour parler du travail réel, parce que c'est ça qu'ils veulent plus hein, dans les hôpitaux, comme dans les entreprises. Ils veulent pas qu'on parle du travail réel, mais qu'on se débrouille entre nous. Le travail réel, c'est vraiment ce qui les emmerde quand on le ramène dans les différentes instances ou dans les différentes discussions, parce qu'eux, ils veulent juste se fier au travail prescrit. C'est ce qui doit exister, alors que ce qui existe vraiment, ils s'en fichent complètement. Donc on a réussi à créer cet espace-là et on est plutôt content de nous. On a un média national, bon malheureusement c'est pas Élise Lucet qui vient demain, c'est TF1. Mais on a TF1 qui vient demain à 14h, donc je crois que depuis que je travaille avec Guillaume Régnier, c'est la première fois que je vois un média national se bouger le cul. Mais tant mieux parce qu'à côté de ça, Ouest France, il y a des gens qui ont interrogé l'Ouest France de leur côté. Et ils voulaient envoyer un pigiste il y a 10 jours, mais leur rédaction trouve qu'il y a trop de grèves à Guillaume Régnier ces dernières années, qui se sont déplacés assez souvent. Donc maintenant, ils prennent un petit peu sur nos communiqués de presse. Puis je sais pas, ils ont dû me voir à moi en photo avec un camarade en 2016 mettre des affiches comme quoi l'Ouest France mentait sur certains titres et ils n'ont pas dû aimer. Et voilà, ils ne viennent pas nous voir alors que les salariés sont en attente que l'Ouest France vienne. Et c'est assez intéressant qu'en plus de nos communiqués de presse, certains d'entre eux les contactent pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question. Comment est accueilli votre mouvement à Guillaume Régnier par la direction ? Par le déni ? On est mieux accueilli par les patients, les familles de patients qui viennent signer la pétition que par une direction qui en 2012 s'était déplacée à minuit pour voir comment on tenait sur le piquet de grève, enfin comment mes collègues tenaient parce que Ma belle famille m'avait emmené au ski, j'avais de la chance, moi j'étais au chaud. Mais là, on les a vus la veille du premier jour de grève et ils démontent tous nos arguments. La direction les a re-rencontrés avec ce qu'on appelle les membres du conseil de surveillance, un peu l'instance administrative de notre entreprise, et où il y a quelques politiques, et puis comme Madame Chapdelaine, il y a la conseillère adjointe de la. Du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Madame Courtais. On a amené toutes ces, tous les éléments qui font que les gens souffrent, patients comme soignants. La CFDT et la CGT ont abondé dans notre sens avec beaucoup d'exemples. Et la direction en face ne répond que mise en place de groupes de travail. Ils n'ont pas encore sorti la cellule d'écoute, mais ça viendra quand on aura un collègue qui va se foutre en l'air. Parce que clairement, on a des. Ça, ils y font attention quand individuellement, nous ou les autres syndicats, on accompagne des gens qui ont des propos suicidaires, qui scénarisent qui scénarisent ça, qui sont à deux doigts d'aller jusqu'au bout. Donc pour le moment, ils font attention à ça, mais pour le reste, c'est juste, bon, ben, il y a un groupe de travail sur les. Enfin, il y a une cellule de risques psychosociaux, et même si elle ne fout pas grand-chose, enfin, même si on amène des exemples concrets, ils ne font rien pour faire que ça s'améliore, puisqu'ils continuent de mettre en place des projets pour que ça se détériore. Donc la direction n'est pas à l'écoute de nos revendications, et de toute façon, à chaque fois, elle nous dit, c'est le budget, c'est pas nous, c'est l'ARS. Donc c'est pour ça que demain, on s'adresse à l'ARS, parce que notre direction, l'Agence régionale de santé, ouais, c'est ceux qui sont sous le ministère de la Santé. Voilà. Notre direction, c'est quand même des gens qui sont assez. Ça va passer où votre enregistrement, là? Qui sont assez, comment dire, qui n'hésitent pas à ne pas renouveler des contrats de femmes qui sont enceintes, par exemple, pour vous donner un exemple, ou des gens qui ont été en arrêt de maladie suite à un accident de travail, notre direction regarde sur les contrats quand ils veulent renouveler 10 ou 20 personnes, ils regardent l'absence, pas la raison de l'absence. Ah bah non, il est absent, on va pas, il a été absent 2 mois, on ne va pas le renouveler. Ça, on a bien vu que ça les faisait tiquer les politiques l'autre jour, mais derrière, ils n'en braillent pas, ils ne sont pas passés au Barnum signer la pétition, quoi. Et la direction, tu es aussi salarié à Guillaume Rayet, et la direction n'en a rien à dire. La direction a fait ce que le ministère lui dit. L'ancien ministère de la Santé avait mis en place qui s'appellent des groupes de qualité de vie au travail. Ça, c'est des choses qui sont organisées avec l'ARACT. L'ARACT, c'est un organisme qui est co-géré par le MEDEF et la CFDT. Donc, on a vachement confiance quand on a des gens comme ça qui viennent nous dire qu'il faut mettre en place des groupes de travail sur notre hôpital sans budget supplémentaire pour faire en sorte que ça fonctionne avec les moyens qu'on a déjà. Pour montrer que l'hôpital va vraiment mal, on a un syndicat qui organise pas mal de formations à destination des salariés. Et puis là, ça fait un an qu'on cartonne, nous, au niveau local, sur les formations droit des salariés et connaître Sud, où les gens s'inscrivent par session de 20. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas organisé depuis 2 ans une formation sur la souffrance au travail. Il devait y avoir 80 participants la dernière fois. Et là, vendredi, on est débordé. On a plus de 200 personnes qui sont inscrites. Bah, ça, c'est au niveau départemental, hein, mais ça va mal dans tous les hôpitaux, toutes les structures médico-sociales ou hospitalières, quoi. C'est le même management qui a été mis en place. Mais bon, c'est les mêmes conseillers qui ont conseillé le ministère de la Santé ces dernières années, qui avaient conseillé Orange il y a quelques années. Hein. J'avais une question, c'est du coup, comment vous faites concrètement pour faire grève? Parce qu'en fait, vous avez un minimum de personnel qui doit rester sur place, si c'est un hôpital. Ou est-ce que vous faites des grèves tous en même temps? Ou est-ce que vous tournez avec des heures? Enfin, comment s'organise la grève en concret? Alors, pour tenir le Barnum, oui, c'est vrai que je dois parler de ça concrètement. Mais pour tenir le Barnum, on a un tableau avec toutes les heures, un minimum de 2 personnes qui sont inscrites. Moi, je fais partie des gens qui ont. Enfin, moi, j'ai 60% de temps syndical, donc ben, quand je suis sur mes journées syndicales. Enfin, j'y suis sur mes journées syndicales, avant ou après, enfin sur mes semaines où j'ai pas mes gosses, par exemple, bah, mes repos, je les passe à Guillaume Rignier. Quand on est dans les services, bah, si tu es d'après-midi, tu essaies de venir 1 heure avant. L'idée, c'est de ne pas faire perdre de l'argent trop aux gens non plus. Par contre, quand il y a des assemblées générales, comme les grosses assemblées, au début, on avait mis en place à 14h30 tous les jours. Et avec l'autogestion là, des salariés, on a dû la décaler à 14h parce que c'est plus facile pour eux de venir plus massivement à 14h. Et là, c'est là que leur idée est bonne et c'est vraiment répandu, c'est de poser qu'une heure de grève. Pour ces temps forts-là, une heure de grève, ça représente 7 euros de perdu pour un salarié. C'est beaucoup mieux de perdre 7 euros plusieurs fois que d'être essoufflé à avoir perdu 3 ou 4 journées de grève, quoi. Donc, on pose une heure de grève comme ça et on a des AG à 14h maintenant, les mardis et jeudis, on a des grosses AG et on a dû s'adapter aux gens qui travaillent en horaire 9-17 sur les structures extérieures. Donc, on va faire une assemblée générale à 17h aussi. Et demain, la troisième assemblée générale, on va la faire pour les gens de nuit qui viennent à travailler à 21h, on va la faire à 20h. Les gens de nuit, eux, ils ont du mal à faire grève parce qu'ils sont toujours en effectif minimum. Donc, ils ont les infos par tract, mais là, c'est eux qui étaient demandeurs, qu'on les voit avant qu'ils aillent bosser pour faire un point avec eux, quoi. Si je peux compléter, effectivement, à l'hôpital, la public, l'exercice de droit de grève est extrêmement encadré. Et donc, ce dont Ben parle, c'est quand il y a suffisamment de gens dans les services, sur tel créneau, à ce moment-là, un, deux, trois personnes peuvent faire grève, peuvent se rendre à l'AG, peuvent tenir le barnum. Mais c'est quand même extrêmement contraignant de pouvoir se libérer. En fait, c'est vrai qu'il faut assurer l'effectif minimum pour les soins. Donc, sur les structures internes, les structures extérieures, elles peuvent fermer si les patients sont avertis ou les familles averties plus de 48 heures à l'avance. Mais sur les structures internes, il faut qu'il y ait un minimum de soignants, quoi. Après, c'est vrai que c'est pour les gens. Enfin, c'est pour ça qu'on a conseillé aux gens de venir sur leur repos, sur leur RTT ou avant ou après le boulot. C'est plus facile pour nous aider, pour nous relayer, quoi. Ou de poser une heure de grève pour nous relayer sur le barnum. C'est plus productif en nombre de présences quand quelqu'un va venir 5 fois une heure que si elle pose une journée de grève en entier et qu'elle dit après, j'ai perdu trop d'argent, quoi. Et le fait de pouvoir poser des heures de grève ou des journées de grève sur Guillaume Régnier, c'est aussi difficile parce qu'ils ont mis en place une espèce de lean management, un peu comme à Danone, c'est un peu la chasse au temps mort. C'est-à-dire qu'ils regardent les effectifs sur l'année et ils essaient de faire en sorte qu'on pose des congés pas tous en même temps, donc on puisse supprimer du personnel pour tirer sur la corde. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais ils essaient de faire en sorte qu'on soit tout le temps au minimum dans les unités, en fait. Ouais, c'est de savoir si par le passé, il y avait eu des actions qui avaient été entreprises sur l'Agence régionale de santé, qui est à Charnoux, je crois. Oui, plein, ouais, on a passé... Moi, j'ai perdu l'espoir au fur et à mesure qu'on y allait, parce que quand on organisait souvent dans le cadre de l'intersyndicale d'ailleurs une heure d'info puis une journée de grève avec un thème et puis après la fois d'après on allait à l'agence régionale de santé, on est reçu par des gens qui sont pires que nos directeurs en termes de communication, quoi. Enfin, c'est des vraies huîtres, hein, les mecs ils s'ouvrent pas, quoi. Enfin, ils sont même inhumains, c'est des vrais robots qu'on a en face de nous. C'est pour ça que là on a décidé de faire l'inverse, de mettre en place quelque chose, de voir si ça fonctionnait, pour essayer d'attirer les médias, pour montrer que dans la durée, nous, on est prêts carrément à aller jusqu'à Noël. Hein. S'ils veulent, on va y passer. C'est un peu chiant parce qu'on n'a pas le temps de faire nos machines quand on rentre chez nous et on a les blousons qui sentent le feu de bois parce qu'on a un barbecue allumé en permanence. Mais on est prêt à tenir. Tant que les collègues nous soutiennent, on est prêt à tenir. Et là, le fait qu'on les a rappelés ce matin pour avoir un rendez-vous qu'ils voulaient nous refiler que jeudi ou demain quand on ne pouvait pas, tu vois. Et on leur a dit, y a la presse nationale qui vient, donc ce serait bien que vous nous donniez les horaires qu'on veut et l'interlocuteur qu'on veut, quoi. Du coup, moi, ma question, c'est, j'imagine qu'ensuite, on va parler des perspectives collectives, mais sur cette lutte en particulier, est-ce que depuis la présence d'autres syndicats de branches de métier ou de cette assemblée avait aussi réduit sa tête, est-ce qu'on peut imaginer une forme d'intervention qui pourrait soutenir concrètement cette lutte? J'ai l'impression que là, ce n'est pas dans le soutien d'une grève dans la durée. Du coup, est-ce que un jour de négociation, faire une sorte d'action de visibilisation dans le centre-ville, parallèlement, est-ce que ce serait des choses envisageables? Enfin, est-ce que vous vous attendez de cette assemblée? Qu'est-ce que moi j'attends de cette assemblée sur ce but en particulier et pas pour être type collectif? Moi j'attends de cette assemblée, je ne sais pas ce que j'attends de cette assemblée. Moi j'aimais bien les petits échanges qu'on avait quand on était à la Maison du Peuple il y a un an et demi. Donc moi j'aimerais bien que ce genre d'endroit existe en permanence. C'est pour ça que je viens témoigner, parce que les collègues sont venus nous voir aussi l'autre jour. Et alors sur les actions en ville, on l'a tenté au mois de juin. J'ai des collègues qui ont refait une espèce de sketch de conférence gesticulée devant la place de la mairie. C'est soutenu par les collègues sur Facebook, mais concrètement, on n'arrive pas à amener plus de 10 personnes à nous soutenir là-bas. C'est pour ça qu'on a mis quelque chose en place à l'accueil de l'hôpital. En fait, aller défiler en ville, ça n'intéresse pas beaucoup de gens, de nos collègues. Après, vu qu'on va à l'ARS demain, si on n'obtient pas satisfaction, qu'on doit y retourner, ouais, on organisera une mobilisation. Mais on serait très bien qu'on ne va pas drainer des centaines de personnes là-bas, quoi. Après, toutes les personnes qui veulent venir au Barnum à l'entrée de Guillaume Régnier pour discuter, échanger ou en tant que citoyen, parce qu'on peut tous être amenés à être hospitalisés dans un hôpital au long de sa vie, c'est ça qui nous importe le plus, quoi. Ce que j'ai pas dit trop tout à l'heure, c'est vrai qu'on a de nombreux patients et pas mal de familles qui sont venues nous voir. Il y a une patiente qui nous a dit la semaine dernière, elle a porté plainte contre notre DRH, on n'était pas au courant, c'est sûr qu'ils ne s'en vendent pas, quoi. Que les patients portent plainte pour mauvais traitement, surtout dans un contexte où la semaine dernière, il y a l'OS France qui a sorti un article comme quoi ils ont été condamnés suite à un suicide en 2009 d'un patient pour défaut de surveillance. On a des gens qui nous rapportent régulièrement du bois. On a tendance à grossir même si on a froid parce que les gens nous apportent beaucoup à manger, notamment du sucré. Mais non, il y a une solide. Enfin, les gens ne croyaient pas qu'on allait rester au début. Donc, au bout de 2 jours, ils sont mis à nous apporter des trucs, quoi, et à participer comme ça et ensuite en venant, quoi.